Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Nous sommes le jeudi 24 décembre 2015, depuis lundi et dans le cadre de cette semaine de fête consacrée aux super-héros et aux super-héroïnes, nous parlons des super-héros dans les jeux vidéo avec l'enseignant-chercheur Alexis Blanchet, bonjour. Bonjour. Dans un instant, le quatrième épisode et puis en deuxième partie, nous irons dans l'Amazonie avec un réalisateur colombien, Chiro Guerra, qui sort un film d'ailleurs France Culture, L'étreinte du serpent, il est en salle depuis hier et on vous recommande bien sûr de le voir. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Les super-héros dans les jeux vidéo avec Alexis Blanchet. Je rappelle juste le titre de votre dernier ouvrage, Des pixels à Hollywood. Cinéma et jeux vidéo, une histoire économique et culturelle. Et c'est édité, j'arrive pas à lire. Chez Pix and Love. Pix and Love, merci. Aujourd'hui, quatrième épisode. La guerre au virtuel, les héros dans les jeux vidéo de guerre. On va parler de l'influence, de la mauvaise influence des jeux vidéo sur le comportement des jeunes d'aujourd'hui. Bah, comme vous y allez. Mais ne me dites pas que je vous étonne avec cette remarque. Si, d'une certaine façon. La mauvaise influence, il faut voir, c'est des représentations. Ces représentations, elles sont probablement à l'image de ce qui se passe dans le monde aussi. On est bien d'accord, Alexis Blanchet, que la violence existe avant les jeux vidéo, avant le cinéma, avant la télévision, avant le théâtre, avant toute chose. Mais à ce micro, il y a quelques semaines, Mishka Assayas, parlant des attentats qui ont frappé Paris le vendredi 13 novembre, parlait d'une mise en scène tout droit sortie d'un jeu vidéo. C'est son avis, mais enfin, je pourrais lui sortir 25 films qui utilisaient le même type de mise en scène, des romans qui avaient l'air de l'expliquer aussi quelques mois avant. Non, enfin, je pense que c'est... On va fermer la parenthèse. On va fermer la parenthèse. Mais juste une question, est-ce que le fait de s'habituer à autant de violence, à manipuler la violence, les armes, tuer, tout ça, est-ce que ça ne banalise pas la mort chez le jeune public, hein? Alors, je suis pas d'accord avec cette vision, mais non, c'est mon rôle ici. À la radio de vous poser cette question parce que cette question revient souvent. Non, D'ailleurs, je crois même pas être sûr d'avoir la bonne réponse. Un des premiers chercheurs américains à s'être un peu penché sérieusement sur la question du jeu vidéo dans les années 90, c'est Henry Jenkins, qu'on connaît beaucoup pour ses travaux des années 2000 sur le transmédia, etc. C'est un esprit curieux et il observe son fils et il se rend compte que son fils joue beaucoup aux jeux vidéo, aux jeux Nintendo, avec une certaine forme de violence dans ses jeux. C'est des jeux de tir, c'est des jeux où on affronte des personnages. Pourquoi ils jouent à ces jeux et est-ce que ces jeux sont une vraie rupture avec d'autres pratiques ? Il apporte deux réponses. La première, il dit en fait ces jeux sont dans ce que les sociologues et spécialistes de sciences de l'éducation anglo-saxons ont pu dénommer la boy culture. propre au 19e siècle à la révolution industrielle, c'est-à-dire une manière dont les jeunes garçons se socialisent pendant l'enfance, ont des pratiques de jeu, d'échange, etc. Cette boy culture, elle est construite sur l'idée que tout doit se passer en dehors du regard des parents, que en général on va jouer à l'extérieur, c'est les fameux jeux de rue ou les jeux sur les terrains abandonnés qu'on trouve dans les univers urbains au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis c'est aussi une culture qui fait un appel à la violence. On se fait violence, on fait l'épreuve de la violence dans cette boy culture en, attrapant des animaux, en mettant un mort à crapaud, en lui mettant le feu dessus, parfois se battant entre jeunes garçons. Que fait le jeu vidéo dans les années 80 ? Il ne fait que répondre à des changements urbains en réactualisant cette boy culture. C'est-à-dire que les environnements urbains ont changé, l'espace urbain n'est plus ouvert aux enfants dans les années 80 et les parents souhaitent garder leurs enfants près d'eux. Résultat, le jeu vidéo offre des espaces auquel le garçon américain des années 80 n'a plus accès. Là, il pouvait explorer son environnement, il pouvait d'ailleurs aller assez loin à l'extérieur de chez lui. Et puis, d'un coup, non, les parents veulent le garder à la maison. Et le problème, c'est qu'un dans l'idée de boy culture, on doit pas rester près de chez maman et papa. Donc, on se met dans sa chambre, on se met sur son écran de télévision ou son écran de console portative, et on va retrouver des espaces dans lesquels on va pouvoir explorer et faire cette expérience-là. Dans le monde virtuel. Dans les mondes virtuels. Par ailleurs, la violence qui était celle de ces échanges, de ces groupes de garçons qui se socialisaient entre autres par l'idée de tenter des choses dangereuses, de marcher en équilibre sur un tronc, de monter un tronc d'arbre, de s'affronter, d'avoir des joutes entre eux, eh bien cette violence, on va la retrouver dans les jeux vidéo, mais sous une forme, d'une certaine façon, beaucoup plus domestiquée, c'est-à-dire la violence des contenus, la violence des représentations qui sont à l'œuvre dans ces jeux. C'est un peu plus fort, c'est un peu plus hard, comme on dit. Alors, là, il s'agit quand même de flinguer des gens dans les jeux vidéo. Il s'agit de flinguer des gens dans les jeux vidéo comme il s'agit de flinguer des gens quand on joue aux cow-boys et aux indiens, ou quand on joue à la police et aux gangsters. C'est les mêmes motifs qui sont des phénomènes de représentation qui se trouvent, qui se resituent aujourd'hui dans les jeux. On le disait en introduction, ces jeux sont probablement l'écho de ce qui se passe dans le monde. Et s'il y a de la violence dans ces jeux et qu'on craint cette violence dans ces jeux, peut-être faudrait-il s'interroger sur la violence qui se déploie ailleurs. On est d'accord. Alexis Blanchet. La suite de cette réflexion, elle est menée par des chercheurs canadiens. En 99, il y a un ouvrage qui s'appelle Digital Play, qui est signé par, entre autres, Stephen Klein. Et Stephen Klein et ses co-auteurs vont proposer une notion qui est celle de masculinité militarisée, qui part du constat qu'il y a un ensemble de représentations qui sont dominantes, qui traversent les jeux vidéo depuis les débuts de l'industrie, et ces représentations tournent autour du sujet de la guerre, du sujet du combat, du sujet de la conquête. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo. On a évoqué en début de semaine Space Invaders, on a évoqué des jeux comme Super Mario, qui est aussi d'une certaine façon un jeu de conquête du territoire. Il y a ce motif qui est dominant. Ils appellent ça masculinité militarisée et ils essayent d'expliquer pourquoi il y a la récurrence de cette thématique. Première chose, un facteur historique et technologique, c'est-à-dire de reconnaître que les jeux vidéo ont été développés dans des laboratoires. On a évoqué lundi cette question de l'histoire non marchande des jeux vidéo dans les années 50 et 60. On fait des premières expérimentations dans des laboratoires dont une bonne partie sont financées par des financements militaires et dont les expérimentateurs sont des gens qui pensent peut-être aller travailler pour l'industrie de l'armement ou travailler avec les militaires après avoir été diplômés. Le premier jeu vidéo de l'histoire, enfin en tout cas il est très souvent reconnu comme ça par les historiens, c'est un jeu qui s'appelle Space War. Il date de 1962, il est fait par une équipe de hackers, de gens qui se présentent comme des hackers. Et il a déjà dans son titre même la thématique de la guerre, c'est une guerre spatiale. Donc le facteur historique montre que financement militaire et expérimentation qui aboutissent aux jeux vidéo sont liés à l'origine. Ce qui est n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais ce qui est un état de fait. Voilà, le secteur, il est né de cette collusion ou de ce rapprochement. Il n'est pas toujours présent, mais en tout cas, on le voit assez régulièrement tout au long de l'histoire. Mais alors, comment vous évacuez les conséquences de cette pratique des jeux vidéo sur le comportement des uns et des autres dans la violence urbaine ou pas d'aujourd'hui? Ah ben, moi, je n'évacue pas parce que ce n'est pas forcément mon rôle. Moi, je ne suis pas psychologue ou je ne suis pas sociologue, etc. Et je laisse ces gens-là faire leur travail. Moi, je suis plus ou moins un historien. Je suis quelqu'un qui s'intéresse aux représentations, qui analyse les contenus. Je fais les constats que ces jeux sont là et je fais les constats que ce sont des jeux. Enfin, qu'on s'arrête simplement sur cette question-là. Ce sont des jeux. Quand on joue, on joue. Quand on joue, on décide de participer pendant un moment à une activité qui a ses propres règles, qui a ses propres représentations. Et puis, quand on arrête de jouer, on n'est plus dans le jeu, on revient dans la vie réelle. Donc, sauf à être touché par une pathologie extrême qui fait qu'on confond les deux, mais qui est quand même pas le cas de la population générale. Et puis, si vraiment ces jeux avaient un effet sur les gens, mais c'est tous les jours qu'on aurait des tueries de masse dans les rues, vu les volumes qui sont vendus de ces jeux annuellement, des jeux qui reprennent la thématique de la guerre, Call of Duty par exemple. Non, le deuxième développement que je voudrais juste faire, c'est qu'il y a une question aussi marketing, et c'est là qu'on recroise la boy culture. Hein. C'est-à-dire que si la thématique militaire est si présente, c'est aussi parce que le marketing des jeux vidéo s'est quand même orienté vers un public de joueurs masculins, et que finalement, reproduisant ces aspects de la boy culture, elle propose ces univers de violence, de combat, de guerre, et d'une certaine façon, le serpent se mord la queue. Alexis Blanchet, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui aime le football, qui a comme super-héros des footballeurs, va être tenté par les jeux vidéo qui vont l'emmener dans cet univers, que ce soit pour le football, le tennis, le sport, d'une manière générale, et que celui qui a besoin d'un peu plus de montée d'adrénaline, qui est attiré par la violence, on peut le dire, il est attiré donc par ces jeux vidéo qui mettent la guerre au centre du dispositif et qui nous demandent d'être des guerriers. J'irai pas jusqu'à... Enfin, je vais pas pouvoir faire des grandes généralités comme ça, et probablement je me tromperai, mais la thématique de la guerre est présente dans l'offre de jeux vidéo. Certains s'y retrouvent, et probablement qu'on a aussi bien des adolescents de 16 ans que des adultes de 50 ans. Moi, j'ai le souvenir, quand je faisais ma thèse à Paris 10, d'avoir des profs de théâtre qui me disaient « Mais moi, le week-end, je joue à un jeu qui s'appelle Battlefield 1942, et je passe le week-end là-dessus, et vraiment c'est un grand plaisir. » Des collègues d'études théâtrales qui me disaient ça. Donc voilà, ce sont des thématiques qui sont proposées. Elles ont eu et elles ont encore une sorte de elles dominent un petit peu, ou elles semblent dominer d'une certaine façon la production de jeux vidéo. Mais si vous allez dans le métro regarder à ce à quoi les gens jouent, les gens jouent à des petits jeux de réflexion, de hasard, de choses comme ça. Il y a une variété aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à la maturation du secteur aussi d'une certaine manière, qui fait qu'on a toute une série d'expériences qui sont possibles autour du jeu et au-delà de la guerre. Alors, qui sont les super-héros dans les jeux vidéo de guerre aujourd'hui, Alexis Blanchet? Est-ce que ça a évolué? Parce que là, on est obligé d'avoir, j'allais dire, l'axe du bien et l'axe du mal. Ben, on est obligé d'avoir le bon et le méchant. Oui, c'est sûr que ces jeux vidéo... Il y a une idéologie, au moins. Sont les supports d'idéologie. Alors maintenant, de dire qu'un joueur qui joue à ce jeu vidéo adhère automatiquement à cette idéologie, là, il y a aussi un pas que je ne franchirai pas. C'est-à-dire que le joueur, il a sa capacité d'interprétation, même le joueur de 16 ans. Je veux dire, allez regarder les forums de jeuxvideo.com, il y a des types qui sont adolescents et à qui on la fait pas, quoi. Ils voient bien que d'une certaine façon, un Call of Duty va plutôt servir une idéologie pro-américaine, interventionniste, etc. Alors, il y a le plaisir du jeu d'un côté, et puis il y a l'esprit critique, heureusement, parce qu'on forme bien, j'espère, les gens dans nos lycées, dans nos universités, pour que cet esprit critique soit aussi à l'œuvre quand on joue à un jeu vidéo. Je veux dire, il y a quelques positions assez marquantes. La guerre dans les jeux vidéo passe, dans une première partie de l'histoire du secteur, par la simulation. Et bien évidemment, il y a un lien qui est très fort ici entre le Kriegsspiel ou le Wargame, c'est-à-dire vraiment la simulation de combat qui a été utilisée pour former à la stratégie, et puis le jeu vidéo, sa forme informatique. À ce moment-là, la posture qu'adopte le joueur, c'est celle d'un général d'armée, c'est celle de quelqu'un qui gère des aspects stratégiques et tactiques, et d'ailleurs, du point de vue du cadrage de l'action, c'est en général une vue surplombante sur le terrain de jeu. Et puis quand arrive le first person shooter, le jeu de tir En vue subjective, et ben à ce moment-là, on retourne vers une figure qui est celle du fantassin perdu dans le champ de bataille. Vous avez un jeu qui s'appelle Medal of Honor au début des années 2000, qui va refaire la séquence du débarquement sous le point de vue du joueur. Et à ce moment-là, on est bien évidemment dans ce déferlement de sons, de cris, de larmes, de violence visuelle, mais qui cherche à chambouler, à désorienter le joueur pour essayer de lui faire produire une expérience de ce que ça a pu être. Alexis Blanchet, notre tête chercheuse de la semaine. On se retrouve demain pour le dernier épisode. Et avec grand plaisir. On a beaucoup parlé du Pacifique, hein, c'est-à-dire des Japonais et des Américains. J'espère que demain, on passera à l'Atlantique et on parlera aussi des auteurs européens. Merci Alexis Blanchet. À demain, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. Des pixels à Hollywood, cinéma et jeux vidéo, une histoire économique et culturelle, et un autre livre auquel vous avez participé et que je recommande vivement. C'est Genre et jeux vidéo sous la direction de Fanny Lignon. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Bonjour Thiro Guerra, vous êtes réalisateur colombien. Votre film qui a été présenté et très remarqué à Cannes, où il a obtenu un prix, L'empreinte du serpent, sort aujourd'hui. Alors, un film très particulier parce que c'est un film qui nous emmène dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir très souvent au cinéma. C'est une immersion dans la jungle suivant deux parcours, deux histoires qui s'en chassent d'ailleurs, deux expériences. Celle de l'ethnologue allemand Theodor Kaschgenberg et puis celle d'un botaniste, américain. Les deux hommes vont être accompagnés d'un même personnage, un chaman donc, un indien. Et c'est une manière que vous avez choisie vous-même pour nous parler de la jungle amazonienne. Pourquoi ce choix ? Sí, la película es una invitación para que el espectador emprenda un viaje a lo desconocido. Alors en fait, hein, le film, c'est une invitation pour que le spectateur commence un voyage vers ce lieu inconnu. L'Amazonie est un lieu qui se mueve par des règles très différentes à celles que nous entendons le monde. Ils ont toute une perception différente de ce qu'est le temps et l'existence. En fait, hein, l'Amazonie est un lieu du monde qui a des règles et des fonctionnements complètement différents, et les gens qui vivent là ont une perception qui n'a rien à voir avec la nôtre, et leurs règles sont tout à fait différentes. Queríamos alterar la percepción que el espectador tiene del tiempo, del espacio y de su relación con el mundo para alterar esa percepción y mostrarle que no existe una sola manera de existir, que existen muchas maneras de ser humano. En fait, ce que je voulais, hein, c'était altérer la perception du spectateur, particulièrement sa perception du temps, de l'espace et donc sa relation au monde. Je voulais montrer qu'il y avait pas une seule manière d'être au monde, mais plusieurs manières distinctes d'être au monde. Bueno, la película está inspirada en los diarios reales de estos exploradores que fueron los primeros en recorrer la Amazonía colombiana cuando era un lugar completamente inexplorado. Alors en fait, hein, le film est inspiré des journaux qu'avaient tenus ces deux explorateurs qui avaient été les premiers à explorer l'Amazonie colombienne à un moment où c'était un lieu totalement inconnu. Et cette histoire, estos hombres qui abandonnent tout le monde pour entrer en autre lieu en busca del conocimiento y que se encuentran con hombres que también son científicos a su propia manera. Los chamanes amazónicos, que también son hombres de conocimiento, y cómo empiezan a dialogar al mismo tiempo que a su alrededor hay una destrucción terrible, siempre me pareció una historia fascinante. L'histoire de ces hommes qui ont tout abandonné pour aller à la recherche de la connaissance et qui, ce faisant, vont rencontrer des hommes qui sont également des scientifiques, hein, qui sont des hommes très très différents d'eux, mais un dialogue va s'établir entre ces deux différents types d'hommes de science, hein, et alors que ce dialogue s'établit, la région est en proie à des violences absolument inimaginables. Y eso me daba la una historia que iba a estar basada en hecho histórico y basada en verdad científica, pero al mismo tiempo podía ser alterada por la visión mística, mítica del mundo amazónico. Entonces eso implicaba que era una historia que podíamos entender, pero que al mismo tiempo era una historia que se regía por otras reglas y por la mirada de un mundo nuevo. Oui, et donc ça faisait hein, une histoire qui était basée sur des faits réels, sur des vérités scientifiques existantes, mais celle-ci était à la fois altérée, ou elles étaient en même temps altérées par une vision à la fois mystique et mythique de cette Amazonie. Hein. Et cette histoire donc nous permettait de comprendre que ce lieu du monde était à la fois était régi par des règles qui étaient toutes différentes et qui n'avaient rien à voir à la fois avec l'histoire et la science en tant que telle. Ciro Guerra, il s'est passé un siècle depuis les histoires d'explorateurs scientifiques dans cette jungle amazonienne. Qu'est-ce qui a changé, d'après vous? Ce siècle d'écart, est-ce qu'il vous permet à vous d'avoir une vision plus distanciée, plus réfléchie, plus personnelle de la jungle amazonienne? Bueno, la Amazonie hoy en día es completamente diferente a la que ves en la película. L'Amazonie aujourd'hui hein, est très différente et complètement différente que celle qu'on voit dans le film. Ya esta Amazonía que está en el filme es algo que es más un recuerdo, más un sueño, más algo que está que hace parte de una memoria que ha sido borrada. Et en fait, hein, l'Amazonie que l'on voit dans le film est plutôt quelque chose qui participe du souvenir, quelque chose qui participe du rêve hein, et qui est bâti sur des choses dont on se rappelle, dont on se souvient. Lo que hicimos fue recrear esa Amazonía que existía hace un siglo en su estado más virgen antes de que fuera de que llegaran tantos cambios traídos por el comercio, el turismo, y las demás fuerzas que han afectado la vida de la gente en el Amazonas. Ce qu'on a fait donc, hein, c'est recréer cette Amazonie, en fait, telle qu'elle était il y a un siècle, dans un état plus vierge, avant que n'y arrive le commerce, avant que n'y arrive le tourisme ou des tas d'autres choses qui ont complètement changé la vie là-bas. Realmente, es importante aclarar que la película no es lo que ves en la película no es el Amazonas como tal. El Amazonas es mucho más amplio y mucho más grande y mucho más complejo y no cabe ni en una ni en mil películas. Alors, il est très important de préciser hein, que l'Amazonie que l'on voit dans le film n'est pas l'Amazonie. L'Amazonie, dans son ensemble, est beaucoup plus grande. L'Amazonie est quelque chose qui, d'une certaine manière, est tellement grande qu'elle ne peut absolument pas être représentée dans son intégrité dans un film. Lo que la película es una pequeña ventana a través de la cual vas a ver otro mundo. Un mundo oculto que espero que dispare tu imaginación y tu curiosidad. Et en fait, hein, le film, c'est une petite fenêtre, en fait, hein, à travers de laquelle on va voir un autre monde qui est un monde riche, un monde intéressant et qui, j'espère, va éveiller la curiosité du spectateur. Es un mundo que, por ejemplo, no es posible retratarlo en el cine con todo su color, con toda su diversidad. Pero por eso decidimos en parte hacerla en blanco y negro, porque al quitar esos colores, que no son posibles registrarlos, porque son las comunidades indígenas tienen 50 palabras para lo que nosotros llamamos verde. Il faut dire que c'est un monde qu'on ne peut pas dépeindre, en fait. On ne peut pas le rendre au cinéma dans toute sa couleur et dans toute sa diversité. Hein. Et c'est en partie l'une des raisons pour laquelle on a choisi de filmer en noir et blanc. Il faut par exemple se rendre compte que les autochtones de l'Amazonie ont 50 mots, hein, pour parler du vert. Donc c'était absolument impossible de le montrer, et c'est pour ça qu'on a décidé donc d'enlever toute couleur, de manière à laisser la place à la seule imagination, de manière à laisser la place à quelque chose qui est une vision personnelle. Et c'était ça vraiment le but du film. Sí, es una experiencia que cuando de estar inmerso durante varios meses en este otro mundo y en esta otra percepción desde y eso afecta tu punto de vista de la vida a todo nivel. Alors, évidemment, hein, c'est une expérience très très particulière d'être immergé pendant plusieurs semaines dans un autre monde, dans une autre perception, et évidemment, ça change la perception de la vie. Oui. Es muy difícil reducirlo a unas cuantas palabras porque es una experiencia que transforma tu modo de ver la vida a todo nivel, pero si tuviera que reducirlo, yo diría que ante todo me siento mucho más. Después de haber vivido esta experiencia me siento mucho más liviano. Siento que perdí mucho peso espiritual, mucho peso émotionnel, beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est très très difficile hein, de résumer une expérience comme ça en quelques mots hein, et de trouver les mots justes pour le dire. Je crois que c'est une expérience qui permet de voir la vie de manière différente à tous les niveaux. Si je dois résumer, je dirais d'une certaine manière que je me sens beaucoup plus léger. J'ai perdu un certain poids spirituel, un certain poids émotionnel que je pouvais avoir. Il y a beaucoup de problèmes que je me posais hein, qui tout d'un coup ont disparu. Donc oui, si je dois résumer, c'est avoir gagné de la légèreté. Et pour terminer, Shiro Guerra, je vous laisse le mot de la fin, peut-être le titre. L'étreinte du serpent, pourquoi ? En la mythologie amazonique, el hombre llegó al mundo a bordo de unas serpientes milenarias que descendieron de la Vía Láctea y que dans la mythologie amazonienne, l'homme est arrivé sur des serpents à travers la Voie Lactée dans la jungle amazonienne, et ce sont les serpents qui ont expliqué la vie. Y ellas dejaron unas plantas sagradas a través de las cuales te puedes comunicar nuevamente. Así que cuando tienes dudas o preguntas sobre cómo existir, te comunicas con ellas a través de las plantas. Y cuando lo haces, la serpiente nuevamente desciende de la Vía Láctea y te abraza. Y ese abrazo te lleva a otros lugares, a otros mundos. Et alors, en fait, ces serpents ont laissé des plantes sacrées hein, à travers lesquelles l'homme peut communiquer avec eux. Et donc, lorsque l'homme a des doutes, par exemple, hein, il peut communiquer avec ces plantes, ce qui va faire revenir les serpents. Et à ce moment-là, la personne qui était en doute va se retrouver donc embrassée par le serpent. Le serpent va donc l'étreindre hein, et l'emmener dans un autre monde, là où la vie est différente et où elle est vécue et ressentie différemment. Et je dirais que c'est le type d'expérience que j'espère que le spectateur pourra faire en voyant l'étreinte du serpent. Merci beaucoup, Shiro Guerra. Merci beaucoup à tous. Une traduction assurée par Pascal Fougère. Merci Pascal Fougère. Merci.